Salut les Bruno, c'est encore moi. J'aime bien déconner, certes, mais j'aime bien aussi les films qui tâchent, malpolis, pleins de fluide, de fureur et de sang. Des films excessifs qu'on n'invite pas au repas de famille du dimanche midi. Dans cette optique, j'aimerais vous parler de Midnight Meat Train, un film de Ryuhei Kitamura, désolé si je le prononce mal, sorti en 2008. Pour ceux qui ne connaissent pas le réalisateur, je vous conseille vivement de jeter un œil à son Versus, un film très énergique, quoique un peu foutraque. Et justement, pour canaliser ce côté un peu dispersé, ce film est adapté d'une nouvelle du maître de l'horreur anglaise, le touche-à-tout Clive Barker. Bon, l'homme est à l'origine d'Hellraiser ou de Candyman tout de même, autant dire qu'il maîtrise bien la narration. Il nous narre donc l'histoire d'un photographe new-yorkais, interprété par Bradley Cooper, pas encore starifié, qui devient obsédé par un homme effrayant, incarné par le toujours très souriant Vinnie Jones, croisé dans le métro. Il soupçonne cet homme d'être un psychopathe, mais son enquête va le mener bien plus loin, vers des vérités qu'il dépasse. Bon. Là, on est clairement dans la pièce de résistance d'une soirée Halloween. Sec comme un coup de marteau, aussi peu enclin à la gaudriole que son antagoniste, et aussi dépressif qu'un repas de fête anglais. Ce film va vous mettre KO. Eh bah tiens, en parlant de KO, vers la moitié du film, il y a une scène complètement folle, où Vinnie Jones fracasse Ted Remy avant de se battre avec l'ancien combattant de MMA, Quinton Jackson, qui retrouvera Bradley Cooper dans l'agence touristique où il incarnera Barracuda. Et tout le long de ce combat, la caméra virevolte dans et hors du métro lancé à pleine vitesse. Cette scène particulièrement prouve que Kitamura a appris à maîtriser son énergie et sa folie de fort belle manière. Pour une bonne soirée Halloween, c'est le deuxième film parfait. Quand les plus petits sont couchés et que les grands sont pas encore trop cassés. C'est le moment horreur qui prend aux tripes, et sans second degré. Évidemment, après un film comme celui-ci, je pense que vous aurez besoin d'un autre film de décompression. Alors, pourquoi pas Versus dont je vous parlais plus tôt. Allez, ciao les Bruno, et ne prenez jamais le dernier métro.